franceinter.fr. Affaires sensibles à la fiction, aujourd'hui Maspero, une volonté de liberté, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Michel Sidorov. François Maspero nous a quittés discrètement au printemps 2015. Pour les jeunes générations, ce nom évoquera avant tout un très bon écrivain à la démarche singulière et, pour les lecteurs attentifs, un grand traducteur. Mais pour ceux qui ont eu 20 ans avec La Nouvelle Vague ou un peu plus tard avec Mai 68, ce nom évoque bien autre chose. Les éditions Maspero et la librairie La Joie de Lire, rue Saint-Séverin, au cœur de ce qu'on appelait alors le quartier latin, un lieu unique, pour ne pas dire mythique, un lieu de rencontre, de liberté, de forum et parfois de résistance. Oui, tout un esprit. François Maspero est né en 1932. Son père était le sinologue Henri Maspero. L'enfance du petit François sera marquée à tout jamais par l'engagement de sa famille dans la résistance. En 1944, son frère aîné meurt dans les combats de la libération à l'âge de 19 ans et son père, déporté à Buchenwald, n'en reviendra jamais. Seule sa mère, déportée elle, à Ravensbrück, survivra. Comme il le dit lui-même, ce n'est pas le tout d'être un survivant. Encore faudrait-il pouvoir se prouver qu'on en est digne. À 22 ans, Maspero achète une première librairie rue Monsieur le Prince avant d'acquérir 2 ans plus tard La Joie de Lire, tombée en désuétude mais qui, sous son impulsion et celle de son équipe, deviendra la plus grande librairie de France jusqu'à l'ouverture de la première Fnac dans les années 70. Sur fond de guerre d'Algérie puis de guerre du Vietnam en passant par les révolutions sud-américaines et les événements de 68, pendant plus de 20 ans, la librairie et les éditions Maspero ont été au carrefour des interrogations et des espérances de ce monde, pour un autre monde aussi, avec un objectif, faire découvrir les livres dans les meilleures conditions et au prix les plus justes. Mais aussi, poser un regard curieux, étonné, qui puisse donner au lecteur les clés d'une meilleure compréhension. Ajoutons l'aspect pédagogique de cette librairie, pas comme les autres, qui avait parfois des allures de bibliothèque où chacun pouvait venir consulter à sa guise. La République gaulienne sur fond de guerre d'Algérie, puis la République pompidolienne post-68 auront du mal à supporter cet espace de liberté et tous ces ouvrages qui tentent de comprendre et d'expliquer au plus grand nombre ce que le pouvoir, lui, aimerait cacher. François Maspero paiera au prix fort l'acharnement du ministère de l'Intérieur, les livres censurés et interdits, les procès, les condamnations. Durant la guerre d'Algérie, la vitrine de la librairie sera plastiquée régulièrement et un attentat à la bombe sera déjoué à la dernière minute. À cela, il faudra ajouter les vols à l'étalage qui deviendront un sport national après 1968 et qui achèveront de ruiner la librairie. Alors, les portes qui se ferment sur cette librairie au milieu des années 70 se referment aussi sur une époque. Les éditions Maspero tiendront jusqu'en 1982. Après avoir passé la main, François continuera sa vie de voyageur et de traducteur et commencera une vie d'auteur. Des passagers du Roissy Express, voyage au cœur de la ligne B du RER, à Balkan Transit, un voyage au cœur des Balkans au sortir de la guerre. C'est d'ailleurs ici, dans les Balkans, que commence la fiction. Pour prolonger ce moment passé avec François Maspero et mieux cerner la personnalité de cet homme singulier et engagé, nous recevrons après la fiction le journaliste Edoui Plenel, singulier lui aussi et engagé, cofondateur du site d'information Mediapart. Il a été un proche de Maspero, il a été son ami. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. François Maspero, Une volonté de liberté, de Jean-Pierre Tiercelin. Une réalisation de Michel Sidorov. Vous entendez ? Qu'est-ce que c'est ? Une colonne de blindés de l'ONU. Regardez, on les aperçoit sur la route des crêtes. Ils vont sûrement s'arrêter ici. Je déteste ce bruit. Ils sont censés maintenir la paix. Oui. Mais ils portent un uniforme. Ils sont armés. Je hais le bruit des armes. François, vous avez déjà fait au moins 5 voyages dans les Balkans, dont certains en pleine guerre, et vous n'arrêtez pas de me dire que vous haïssez le bruit des armes. C'est peut-être pour mieux échapper à ce bruit que depuis 40 ans, je suis allé si souvent au-devant des conflits. À Cuba, au Guatemala, en Algérie, en Israël, et ici. où je ne cesse de revenir depuis 10 ans. La dernière fois, c'était avec vous, Claudie, et ça a donné Balkan Transit, un livre qui ne ressemble à aucun autre. Sans vos photos, je ne l'aurais pas fait. Et vous avez voulu revenir une fois encore. Et une fois encore, j'ai voulu que nous soyons deux. Un double regard, ce n'est vraiment pas de trop pour tenter de comprendre ce qui s'est passé ici. S'interroger encore et toujours sur cette guerre atroce au cœur de l'Europe. Retrouver ces gens qui nous ont parlé avec confiance ou avec méfiance. Parler, parler encore. Avec amitié, les mains ouvertes, les yeux grands ouverts, comme l'objectif de votre appareil. Parler au-delà de ces frontières qui nous cernent de toutes parts. Depuis que la Yougoslavie a explosé, les Balkans ne sont plus qu'un grand réseau cancéreux de frontières. À commencer par cette rivière devant nous, si paisible, pétrifiée dans l'amnésie volontaire. Vous avez vu les deux pêcheurs au bord de l'eau ? Oui. Ils vont finir par emmêler leurs lignes, surtout s'ils persistent à éviter de se regarder. De notre côté, c'est un croate. Oui. Et en face, un musulman. Aujourd'hui, il ne leur reste que le silence. Alors qu'ils parlent la même langue. Le serbo-croate a perdu son nom. C'est devenu la langue. Celle qu'on parle, mais que parle aussi l'ennemi. Un ennemi qu'on ne nomme plus, qu'il soit serbe, croate ou musulman. Alors on dit juste l'autre. Et on évite de parler. Une chance que le patron vous ait malgré tout demandé ce qu'on voulait manger. Oui, il y a de la tchorba. Mais il m'a quand même demandé pourquoi je parlais la langue. Il trouve ça louche. Je lui ai dit que j'étais slovène. J'ai senti que c'était un moindre mal. Vous avez vu le nom du café ? Au rendez-vous des chasseurs. J'ai vu aussi l'ours empaillé. C'est peut-être parce qu'il n'y a plus d'ours qu'ils ont tant chassé l'homme ces dernières années. J'aimerais vraiment parler avec le patron. On verra ça après la tchorba. Ça devrait pouvoir se faire. Vous allez prendre des notes ? Oui. Je lui expliquerai. C'est aussi une façon de le prendre en considération. Au début, je m'y refusais. Et puis, pendant le siège de Sarajevo, quelqu'un m'a dit « Il faut que tu prennes des notes, sinon on s'habitue très vite et on oublie. » Malgré l'horreur. Oui, malgré l'horreur. Au début, la réalité vous envahit. Elle déborde. Elle refuse de passer par les mots, les doigts, le stylo. Elle paralyse. Et puis... Petit à petit, les mots reviennent. Oui. Mais arrive-t-on à dire pour autant ? À Sarajevo, beaucoup pensaient que non. À 14 ans, j'étais seul face à ma mère qui revenait de Ravensbrück. J'étais le seul à l'écouter. Elle racontait, mais ses paroles ne rencontraient que le vide. Personne ne pouvait comprendre. Et ses mots n'étaient que des mots. Elle s'épuisait. La hantise du bruit des armes dont vous parliez tout à l'heure, ça vient de là ? Oui. Un peu avant. Le bruit métallique du pistolet qu'on a. J'avais 12 ans. On était cachés dans un fossé avec mon grand frère. Nous guettions le passage d'une patrouille allemande. Il était armé. Il voulait aller jusqu'au bout. Il est mort à 19 ans sur le front de la Moselle. Mes parents aussi étaient très impliqués dans la résistance. Ils ont été déportés. Mon père est mort à Buchenwald. Je revois l'agent de la Gestapo. C'est moi qui avais ouvert la porte du jardin quand la cloche a sonné. Il faisait beau. Les capucines étaient en fleurs. Puis le soleil s'est éteint. En fait, ma seconde naissance date de cette année-là, 1944. Une naissance à la mort. Sentiment de culpabilité irraisonnée. Adolescent, j'étais comme en transit. La peur revenait souvent. Je courais très vite. À 22 ans, je me suis arrêté de courir. J'ai acheté une boutique qui sentait le pipi de chat et je me suis fait libraire. J'ai payé la boutique avec la vente de l'appartement de ma grand-mère. L'amour des livres ? Non, pas vraiment. Mais l'idée de donner à lire, à réfléchir ou à rêver, ça me plaisait bien. J'ai tout de suite aimé le métier de libraire. Ouvrir les cartons, découvrir les nouveaux titres, parler avec les représentants. Je les voyais un peu comme des voyageurs d'idées. Les clients commentaient leur lecture, d'autres me faisaient des suggestions. Je composais les vitrines comme la première page d'un journal. J'adorais ça. En fait, je rêvais d'aller plus loin. Avoir ma propre presse, imprimée moi-même, comme un artisan. Un artisan éditeur. Je ne connaissais rien à l'édition. J'ai appris chemin faisant. En fait, je voulais éditer de la poésie. Mais les événements m'ont rattrapé. La guerre d'Algérie? Oui. Une guerre coloniale qui torturait et écrasait tout un peuple. Beaucoup de jeunes appelés mouraient. En votant les pouvoirs spéciaux à Guy Mollet, la gauche avait perdu son âme. Déjà. Alors j'ai eu envie que la librairie et les éditions s'ouvrent sur le monde. Et que des livres témoignent de cette guerre-là. Et il n'y en avait pas? Non. À part les éditions de Minuit ou Les Temps modernes de Sartre, les éditeurs avaient peur. La grande presse se taisait. Alors je m'y suis mis. Je voulais juste proposer des ouvrages qui permettent aux lecteurs de juger par eux-mêmes. Et les premières interdictions ont commencé? Avec les premiers procès, les premières condamnations. Tenez, les voilà. Et la peur des uniformes et du bruit des armes? Et le revenu? M'avait-elle jamais quitté? Ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est installée avec fracas dans ma librairie un soir d'octobre. Le 17 octobre 1961. Certains avaient mis leur costume du dimanche. Beaucoup étaient là avec femmes et enfants. François! François! Je suis ici, vite! Je te gâtais. J'ai pas pu arriver plus vite. Mathieu et Janson m'avaient demandé de suivre la manifestation avec ma moto. Au pont de Neuilly, ils arrivaient calmement des bidonvilles de Nanterre en famille. Les CRS les attendaient. Ils les ont laissés s'avancer, puis ils ont commencé à taper. Taper systématiquement, c'était horrible. Ceux qui ont tenté de former un cortège, ils les ont littéralement massacrés. Puis j'ai filé à l'Étoile, à l'Opéra, toujours le même scénario. Ils les ont cueillis à la sortie du métro. Je pense que il y a des morts. Et ici? Mais pareil. Sous prétexte que l'îlot Saint-Séverin est peuplé d'Algériens. Ils se sont engouffrés dans la rue en venant du Boulmiche. Et ils ont matraqué à tour de bras. Ils s'acharnaient sur ceux qui étaient à terre. Ça hurlait de partout. On en a recueilli beaucoup dans la librairie, bien vite. Ça s'est un peu calmé, mais ils vont sûrement revenir. Je ne sais plus de mes baguettes. Attention, il y a du sang partout. On a téléphoné, on attend l'ambulance. À condition qu'il la laisse passer. En espérant. Heureusement, il y a des clients formidables qui sont restés. Ils nous aident pour les premiers soins. Monsieur, vous pouvez retourner à la pharmacie pour leur demander des pansements? Bien sûr, je vais en profiter pour accompagner monsieur. Monsieur Ahmed, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été juste devant la porte de l'immeuble. J'avais entendu le bruit. On aurait dit une armée en marche. Ils me sont tombés dessus avec leur matraque, en hurlant « En voilà un !» Puis ils m'ont donné des coups de pied dans le ventre, en me traitant de sale bougnoule. Je ne pouvais plus respirer. Comme je ne bougeais plus, ils ont dû croire que j'étais mort. Et ils sont partis en tabasser d'autres. Vous ne voulez pas attendre l'ambulance? Surtout pas. Ils seraient capables de me récupérer à l'hôpital. Si monsieur veut bien que je m'appuie sur lui, je préfère aller chez le pharmacien. Je le connais bien. Oui, c'est plus sage. Il va bien s'occuper de vous. Et surtout, ne bougez pas de la pharmacie. Jouez pas au plus malin, vous! Mais tous ces blessés derrière vous, c'est quoi ça? Ça, c'est votre travail, y a pas de quoi être fier. Hein. Complicité avec les terroristes, ça va te coûter cher. Allez, embarquez-moi tout ce beau monde! Pour que vous les acheviez dans vos fourgons? Comme je vous ai vu faire toute la soirée, sûrement pas. Ici, c'est chez moi, vous dégagez! Assassin! Assassin! Jean-Philippe! Assassin! Tu vas voir comment elle va te la faire, mais ta petite gueule d'assassin! Arrête ça tout de suite! Mais chef! Arrête ça tout de suite, je te dis! C'est un blanc, on n'a pas le droit d'y toucher. Les ordres sont les ordres, juste les arabes, c'est clair? Allez, on dégage. Salaud! Quant à toi, ton tour viendra. Tu es repéré, grillé, tu m'entends? Et quand ta boutique de merde sautera, on lèvera pas le petit doigt. Oh, ça, j'en doute pas. Je m'en suis aperçu à chaque fois que ma vitrine a été plastiquée. Heureusement qu'il y a la solidarité des clients et des lecteurs qui sont venus monter la garde avec nous. Si vous voulez venir un soir, ne vous gênez pas. Vous pourrez découvrir quelques brochures. Vous verrez, c'est très instructif. Bande de pédales. Ça suffit maintenant. On se tire, j'ai dit. On a passé le reste de la nuit à laver les flaques de sang sur le plancher de la Joie de Lire. Les hôpitaux étaient débordés. Des milliers de manifestants étaient entassés au palais des sports. Sans compter les morts. On n'a jamais su vraiment. Sans doute 200. Et de nombreux disparus. Jetés dans la Seine. Probablement. Le préfet Papon a été couvert d'éloges. Et après, blackout total. Là aussi, il faudra bien sortir un jour de l'amnésie. Et vous pensez vraiment qu'une promenade dans les Balkans, qui viennent de s'entretuer, c'est le meilleur remède ? Je ne cherche pas de remède. À travers toutes mes activités, je n'ai eu qu'une obsession. Écouter et transmettre avec le plus de loyauté possible. C'est terrible d'être en désaccord total avec son pays, jusqu'à s'en sentir étranger. Moi, quand la Yougoslavie a éclaté, j'ai dû partir en France. Mais vous êtes revenu plusieurs fois sur les zones de combat pour tenter de comprendre. Oui. Et je n'ai toujours pas compris. La grande presse nous qualifiait de traîtres. En dénonçant une guerre coloniale et la torture, nous trahissions la France. Nous trahissions surtout la bonne conscience bourgeoise. Alors rééditer Nizan, c'était trop pour eux. D'autant que Sartre avait signé la préface, ce qui m'a bien aidé. Il a fait pareil pour Frantz Fanon ? Oui, pour Les Damnés de la Terre. J'avais aussi publié La Question d'Henri Allègue, premier livre sur la torture en Algérie. Aussitôt interdit, mais réédité en Suisse par un ami. Les livres repassaient la frontière dans l'autre sens par petits paquets. Il n'y avait pas que les livres qui passaient la frontière. En effet, oui. J'ai souvent accompagné des condamnés à mort vers les frontières luxembourgeoises ou allemandes vers une vie meilleure. Tiens, voilà nos anges gardiens de l'ONU. J'espère qu'ils aiment la tchourba. Ah, il y a un officier qui nous fait signe. Oh non! J'ai vraiment pas envie de faire la conversation. Salut. Pas que vous êtes français? Oui. Moi, je suis canadien, officier fort pronu. Vous êtes journaliste, j'imagine? Non. Écrivain, de bord? Oui, monsieur écrit et moi, je fais des photos. On travaille ensemble. Très bien. Alors, rassurez-vous, je voulais pas vous déranger, là. Je veux juste vous saluer. Et peut-être vous demander vous allez ensuite, histoire de veiller quand même à votre sécurité. Vous allez à Biatch ? Oui. Vous verrez, la route, elle est magnifique. Mm-hmm. Après la frontière, vous dépendrez de mes collègues hollandais. Allez, je vous laisse travailler, là. Mais faites attention tout de même. À propos de frontière, vous ne vous êtes jamais posé la question de la frontière entre votre métier de libraire-éditeur et votre engagement politique ? Ah, d'autres se la posaient pour moi. À la fin de la guerre d'Algérie, les frères, comme on disait... Hein ? M'ont enjoint de rester tranquille à la boutique. Vous les avez écoutés ? Pas vraiment. Il fallait déjà que je parte défendre les causes perdues aux quatre coins de la planète. Heureusement, il y avait une bonne équipe pour faire marcher la maison. Je partais sans même savoir si je reviendrais. Mais j'en revenais. Toujours chargé d'idées nouvelles et de voix nouvelles pour la librairie et les éditions. Même les flics en convenaient. Les flics ? Oui, les flics. Bonjour. C'est votre jour ? En fait, c'est moi qui ai demandé à venir. Flic en civil chez Maspero, finalement, c'est pas désagréable. Chez moi, j'ai pas le temps de lire. Ici, je m'attrape. Bon. Dans quoi êtes-vous plongé ? Mythes et pensées chez les Grecs de Jean-Pierre Vernant. C'est très intéressant. Très bon choix. J'avoue que je ne connaissais pas. Il a été grand résistant. Ah ! Il avait également fait partie des signataires du Manifeste des 121. Ça vous chiffonne ? Non. Ce manifeste, c'est vous qui l'aviez édité, non ? Effectivement. Mais je vous signale que j'avais aussi édité La Révolution algérienne par les textes. Et figurez-vous que ce bouquin, il a servi de base de discussion aux négociateurs des accords d'Évian. Ah bah ça alors. Mais rassurez-vous, on ne m'en a su aucun gré. Sinon, vous ne seriez pas de service dans ma librairie. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui ? Par rapport à l'Algérie. Vous savez, avoir soutenu activement le peuple algérien, ça ne m'impose pas pour autant d'approuver le régime actuel en Algérie. C'est ce que vous vouliez savoir ? Oh, c'était une question toute personnelle. Mm-hmm. Mon travail, c'est juste de regarder, vous savez. Aussi, un peu de raconter, non ? Oui, mais seulement si je vois quelque chose. Ah, et là, qu'est-ce que vous voyez ? Bah, là, je vois votre nouvelle vitrine. Mm-hmm. Je vais vous faire un compliment. Ah ! J'aime beaucoup vos vitrines. On dirait des petits terres. Il faudra le dire à Georges, mon collègue, ça lui fera plaisir. Et puis, j'aime bien l'ambiance. Il y a beaucoup de monde. Et pas seulement des étudiants. Je vois des tas de gens différents. Oui, beaucoup de banlieusards. Avant de prendre les transports, hop, un petit godet de lecture. C'est moins cher qu'au café. Beaucoup viennent simplement pour lire ou discuter. Je vois ça. Il y en a même assis par terre. Et puis finalement, vous avez toutes sortes de livres. C'est incroyable. Et pas seulement des livres politiques. Ah non, ça c'est ce que raconte notre ministre de l'Intérieur. Il s'acharne à nous considérer comme des ennemis de la République. Mais cette librairie, c'est juste un endroit ouvert à tous. Un réseau d'amitié, de lecteurs, d'auteurs. Si on résiste, c'est par la culture. Et à visage découvert. C'est bien pour ça que les éditions portent mon nom. Parce qu'on assume nos choix. Et tiens, si vous avez moyen de lui faire savoir... Vous savez, je fais mon rapport, mais il y a peu de chances que ça monte jusqu'à lui. Dommage. Ah, excusez-moi. Oui, je peux vous aider ? Je cherche le dernier numéro de la revue Partisan sur la libération des femmes. Tenez, la pile est derrière vous, sur la table. Merci. Ah oui, et aussi les poèmes de Yanis Ritsos... La maison morte, je crois. Ça, c'est la collection Voix. Voyez avec Fanchita. Merci. Bonsoir, monsieur Gérard. On fait son petit tour. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas revu mon ami Lévis Mano au café de la Rue Dante ? Non, pas depuis peu, non. Ah, les poètes. Il faudra que j'aille prendre un petit verre avec lui. C'est notre rituel. Vous cherchiez quelque chose ? Oui, Émile Kopfermann, la mise en crise théâtrale. Jean-Philippe, Kopfermann, il est où ? En commande, je l'aurai demain. Alors, je repasserai demain. Au revoir, monsieur Gérard. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est ouvert tard le soir. Jusqu'à minuit. Et ça ne désemplit pas. Vous êtes nombreux à travailler ? 40 employés. Il paraît que nous sommes la plus grande librairie de France. C'est peut-être aussi pour ça qu'on nous a dans le collimateur. Je peux me permettre de vous poser une question ? Bien sûr. C'est vrai que vous avez rencontré Che Guevara ? Pardonnez-moi, mais c'est tellement inattendu. Oui. J'étais déjà allé plusieurs fois à La Havane, mais c'est à Paris que je l'ai rencontré. Vous êtes allé à Cuba ? Les jeunes qui venaient de prendre le pouvoir à Cuba incarnaient un nouvel espoir. Alors je suis allé voir de plus près. Et Che Guevara ? On s'est vu ici, à Paris. Tiens, vos collègues, qu'est-ce qu'ils veulent encore ? Police, personne ne bouge. François Maspero, puis-je vous être utile ? Nous venons saisir l'ouvrage « Main basse sur le Cameroun ». Je suppose que vous n'avez pas de décision de justice. Pas besoin, vous le savez bien. Atteinte à la sécurité de l'État. Vous devriez avoir l'habitude. Où sont les livres ? Juste devant vous, avec les dernières parutions. Puis-je avoir la raison exacte ? Livre d'origine étrangère ! C'est absurde. L'auteur est citoyen français, il enseigne à l'université. Ne serait-ce pas plutôt parce qu'il pourrait gêner la politique de la France en Afrique ? Un conseil, cherchez pas d'histoire. Dites-moi plutôt s'il n'y a pas d'autres bouquins. Il y a un carton sous la table. C'est tout ce qu'on a à la boutique. Mais pour les autres, venez demain. On les mettra à la même place. Là, monsieur. Mais vous êtes des enragés. On dirait que ça vous fait plaisir de vous ruiner en amende et en procès. Déjà que vos chers clients passent leur temps à voler les bouquins à votre barbe, un jour, c'est vous qui finirez par appeler les flics. Jamais. Plutôt crever. Allons, ne faites pas les délicats, ce sont les vôtres qui vous tirent dans le dos, les situationnistes qui vous traitent de négriers de la Révolution, les gauchistes, les 68ards et j'en passe. Vous avez entendu? Jamais. Même si les vols nous mettent en péril, jamais je n'appellerai la police. Pour la bonne raison que le gouvernement n'attend que ce prétexte pour donner l'ordre de fermer la librairie. Trouble à l'ordre public. L'occasion serait trop belle, mais je ne vous la laisserai pas. Et maintenant, je vous prie d'emporter ces livres et de nous laisser. Votre travail est terminé, et le nôtre continue. Il n'empêche que ce salopard de policier avait touché là où ça fait mal. Après 68, c'était devenu très chic de venir piquer des bouquins chez MASP, comme disaient les plus snobs. Les vols représentaient 7% du chiffre d'affaires. Tout ça commençait à me fatiguer sérieusement. Vous avez tenu combien de temps ? La librairie a fermé ses portes en 74 et les éditions en 82. J'ai donné mes parts pour 1 franc symbolique. Je vous retrouve bien là. Vous avez eu le sentiment d'être lâché ? Pas du tout. Il y a eu une mobilisation incroyable. Une association des amis de Maspero. Des soirées de soutien avec des artistes. Mais je n'avais plus l'énergie. Et puis, je n'ai jamais été un vrai patron. Mon rêve, ça aurait été une gestion collective. À un moment, j'ai eu l'impression que les gens me défendaient malgré moi. Ils voulaient peut-être préserver une sorte de patrimoine, non ? C'est drôle. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Oui, évidemment. 1350 titres publiés, des centaines d'auteurs. Vous savez, quand j'ai commencé, le livre jouait un rôle aussi important que la presse. Il se suffisait à lui-même. Aujourd'hui, il est complètement à la remorque. Et pour qu'un livre survive, il faut que son auteur passe à la télé ? Oui, c'est dérisoire. Mais soyons justes. Comme disait Fanchita, on s'est aussi beaucoup amusé. Et vous vous êtes enfin autorisé à écrire ? Oui. J'ai été très étonné de m'apercevoir que je pouvais. J'ai pu faire de la radio. J'ai beaucoup aimé la radio. De longues émissions à l'écoute des gens, en prenant mon temps, comme on le fait aujourd'hui, en voyageant, en regardant, en écoutant. Et nous voilà face à cette montagne qui surplombe une rivière et une frontière. À croire que la chute du mur de Berlin a essaimé. Un peu partout, c'est une éclosion de nouveaux murs. Et quand l'Europe abolit les frontières, c'est pour mieux se protéger de l'extérieur par un mur de visa. Mais il nous reste la petite fille Espérance, chère à Peggy. Cette espérance de rien du tout, qui étonne même Dieu. Parole de mécréant, toujours en quête de paysage humain. Les voilà qui repartent. Très bien, nous allons enfin pouvoir jouir du calme. L'officier nous fait signe. Au revoir. Allez, François, faites au moins un effort pour agiter la main. Au revoir. Bonne route. Merci, prenez soin de vous. Voyez, les militaires s'éloignent. Vous allez pouvoir travailler tranquille. D'ailleurs, je crois que le patron vous attend et il aimerait vous parler. Bon travail. Et n'oubliez pas votre petit carnet. Allez, les gars, en voiture. C'était François Maspero, Une volonté de liberté, de Jean-Pierre Tiercelin. Avec Olivier Cruveillé, François Maspero, Miglène Mirtchev, Claudie Sluban, Maxime Dambrun, Jean-Philippe Talbot, Teresa Ovidio, Fanchita Gonzalez, Pascal Bécard, le policier en civil, Rabat Loussif, Monsieur Ahmed, François Briot, un policier, et les voix de Julien Monsalier et Nathalie Canoui. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Élodie Royer. Assistant à la réalisation, Pablo Valero et Clémence Gross. Réalisation, Michel Sidorov. Sukoz taran dakhshe nawan dinire sastana pam dikti foot mi diwan le tasni dile da shakwa inayan warni sinjay tisana taba sukoz taran dakhshe nawan Sastana qom dikti foot mi diwa tisana nu maryama dagda qawara lan fadal tisana nasisingar data duwa indi dinkar dinire sastana qom dikti foot mi diwa le tasni dile da shakwa aina yan warani sinjay tisana taba sukoz taran tawshina wan Dit votre nom, François Maspero, on l'installe dans le même temps comme un peu de suspicion. Vous avez été longtemps suspect, je ne sais pas si vous l'êtes encore. Moi non plus, je ne sais pas. C'est vrai, si on s'en prend à la lettre des choses, il y a eu un temps où, que je ne regrette pas. Hein. Où, quand je me promenais dans Paris ou dans certains coins du monde, il y avait 5 flics devant et 3 derrière. Donc c'est vrai qu'il y avait, une suspicion, ça tenait à la teneur des livres que je publiais. Vous vous considérez comme révolutionnaire ? Non, absolument pas. Je ne sais pas très bien qui a le droit de se considérer comme un révolutionnaire. J'ai connu beaucoup de révolutionnaires, j'ai connu beaucoup de vrais révolutionnaires. Moi, personnellement, je ne me mets pas en cause dans cette histoire. J'ai publié des textes révolutionnaires et je crois que c'est vrai que ça peut être un but, je suppose, pour quiconque veut publier, quiconque veut être l'écho de quelque chose, c'est de faire à un niveau quelconque une petite révolution déjà. Hein. Éditer, publier, écrire, faire un film, tout ça, on le fait quand même, pas seulement, on le fait pour se faire plaisir aux autres, mais aussi pour essayer de changer quelque chose dans la vision que les autres peuvent avoir, dans la vision que l'auteur essaye de propager. Bon, tout ça, effectivement, à chaque fois, c'est une petite révolution. Et puis, il y a les grandes révolutions. Mais alors, s'il faut parler de la grande révolution avec un grand R, soyons très prudents. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Maspero, une volonté de liberté. Notre invité, le journaliste Edoui Plenel. Bonjour Edoui Plenel. Bonjour. Journaliste depuis 1976, vous avez fait une longue carrière au Monde pendant 25 ans, de 1980 à 2005, et vous êtes aujourd'hui président et cofondateur de Mediapart. J'en dis pas plus, vous êtes connu comme le Loup Blanc. Votre dernier livre est paru en octobre dernier aux éditions de l'Atelier. Il s'appelle « Voyage en terre d'espoir ». Vous exhumez les figures de militants et de syndicalistes, certains connus, d'autres peut-être un peu moins. Je crois que vous vous appuyez sur les notices, notamment du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français et social, qui avait été créé par Jean Métron en 1964. Donc j'invite nos auditeurs à se pencher sur ce livre. Mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet. Mais Maspero, François, oui, c'est un peu notre sujet. Ses amis sont présents dans ce livre. Voilà, comme quand on a quand même et dans ce dictionnaire. Bien. Edoui Plenel, on connaît les valeurs professionnelles auxquelles vous êtes attaché, si bien que la réponse est peut-être un peu dans la question. Au-delà de votre amitié personnelle, qui était celle que vous avez eue avec François Maspero, Qu'est-ce qui vous attache tant à cet homme et à son œuvre? Il est synonyme de quoi? Il est symbole de quoi? Il est l'illustration de quoi? Un mot résume François, résistant. C'est ouais. Un résistant. C'est un homme qui a eu cette empreinte, la résistance de son frère, qui est mort ensuite avec les armées américaines, mais après avoir été un résistant actif, qui a d'ailleurs fait des actes glorieux contre l'occupant, la résistance de ses parents, qui ont été déportés, qui étaient des résistants liés à des réseaux plutôt britanniques, grand savant, son père, et sa mère historienne, sa mère est revenue des camps, son père n'est pas revenu. Comme il dit, c'est le moment de ma deuxième naissance, ma naissance à la mort. Il faut, pour comprendre cet homme, c'est un homme qui est là, à ce moment-là, il a cette empreinte et cette empreinte l'amène à dire non. Dire non à l'injustice, à l'inégalité, au mensonge, sans calculer, sans avoir de plan de carrière, sans réfléchir. Et c'est cet homme qui se vantait souvent en rigolant de dire qu'il avait eu son bac après 5 tentatives. Alors en fait, il y avait la session d'avant l'été et la session de rattrapage. Donc il faut, c'est un homme qui est grandement orphelin, même si sa mère est revenue, et qui va se fabriquer tout seul, qui va décider d'être libraire. C'est son premier métier. Il voulait éditer de la poésie. Et là, il y a une petite clé que je n'ai jamais pu, parce que je l'ai découvert après sa mort, en parler avec lui, puisqu'il est d'une longue histoire, un grand-père égyptologue, son père était un grand savant sur la Chine, enfin c'est une grande, grande histoire d'intellectuel républicain, mais il a un oncle qui est mort à la guerre de 14-18, et Jean Maspero, et qui a publié posthume un recueil de poèmes. Je me suis toujours demandé si son goût pour la poésie ça ne venait pas ça, oui. d'une histoire familiale comme ça, dont un superbe poème écrit dans la tranchée la veille de sa mort. J'ai retrouvé ça par hasard. Et donc, il est libraire. Et puis là, il est rattrapé par l'époque. Dire non à la torture, dire non à une république qui s'égare. Et du coup, il se fait éditeur. Et avec Jérôme Lindon, des éditions de Minuit, ce sont les seuls à publier ce que personne d'autre ne voulait publier. Et ce seront des textes qu'on peut relire aujourd'hui, dont les textes, évidemment, de Frantz Fanon, les textes avec des préfaces de Sartre, où il exhume Nisan, Aden Arabi, qui a parlé à toute la jeunesse de cette époque. En fait, quand il a arrêté au début des années 80, à la tournant de la cinquantaine, on a découvert un deuxième Maspero qui a fait une empreinte formidable. Et un jour, il m'a dit pourquoi. Il pensait que c'était son frère qui devait écrire. Ah bon? Et que lui ne pouvait pas écrire. Et finalement, libéré de tout ça, à un moment, c'est comme s'il avait ouvert ses tiroirs et lui-même sortant d'une dépression, il s'est mis à écrire, et vous connaissez ses livres, le premier étant Le sourire du chat. Des livres un peu autobiographiques, mais construits comme des romans, et en même temps des reportages. Vous l'avez envoyé en reportage, vous? Pour Le Monde, oui, pour Le Monde. Et son quatrième métier, et qui est important, parce que beaucoup de gens ont lu Maspero sans le savoir, c'est qu'il a été un très grand traducteur. Ouais. Autodidacte, d'une certaine manière, il traduisait aussi bien de l'espagnol, de l'italien et de l'anglais, des poèmes, des écrivains, beaucoup de littérature latino-américaine n'existe que grâce à lui. Je prends un exemple, Alvaro Mutis, l'autre colombien de la littérature latino-américaine. Pas le Marquez, mais l'autre. Oui, l'autre, et qui n'est pas baroque comme Marquez, très retenu. C'est Maspero qui lui donne vie en français, ainsi que la poésie. Alors, on a entendu une archive intéressante tout à l'heure. Je passe sur le côté suspect. Révolutionnaire. Alors, sans qu'il a trop grand respect pour le grand soir, pour être lui-même révolutionnaire, il dit non. Libre. Parce que savoir dire non, c'est être libre, effectivement. Oui, mais pas révolutionnaire. C'est parce qu'il n'a jamais été un dogmatique, François Maspero. Il n'a jamais été un homme d'une idéologie fermée. Et certains le calomniaient, certains qui se présentaient comme des grands révolutionnaires et qui après se sont convertis à l'ordre établi, dénonçaient Maspero comme un patron qui faisait de l'argent avec la révolution. Vous parlez, il ne s'est jamais enrichi et il a cédé ses parts de la librairie pour 1 euro symbolique au successeur de la découverte, enfin de la maison d'édition. Et donc c'est très important parce que pour moi, François, c'est aussi, j'ai dit dans un texte que j'ai écrit sur lui, qu'il nous a appris la liberté. Et il nous a appris cette liberté qui, justement, ne transige pas avec les principes. Cette vérité qui ne transige pas avec le mensonge de l'idéologie. Ce que je veux dire, c'est que cette citation, vous savez, et elle montre où se situait François Maspero. Et dans quelque chose qui n'a pas d'époque, et comme Électre n'a pas d'époque, comme la tragédie grecque n'a pas d'époque. C'est une citation de Charles Péguy. Ces cahiers auront contre eux les salauds de tous les partis. Voilà. Eh bien, quand il crée, en pleine guerre d'Algérie, en plein moment colonial où l'extrême droite revient, c'est-à-dire les héritiers de Pétain, ceux qui sont hélas toujours là aujourd'hui, eh bien, lui, il met cette phrase de Péguy. De Péguy, quoi? Le Dreyfusard. Le Péguy qui mène la bataille contre les factieux. Le Péguy libertaire. Les salauds de tous les partis. Parce qu'il est aussi contre les partis installés de gauche, qui disent « faut pas trop se mouiller sur cette affaire » et tout. Et il prend ce risque. Il est jeune, il a moins de 30 ans. Et ça, je trouve que ce bras d'honneur à ceux, au fond, qui sont toujours du camp des vainqueurs, occuper une place, réussir, ne pas la quitter et tout. Et lui, François, si vous faisiez tout le chemin de sa vie, il est du camp des vaincus. Parce qu'il sait que les vaincus, c'est la promesse de demain. C'est les vaincus qui nous apprennent quelque chose pour demain. C'est eux qui nous laissent une lumière pour demain. Et donc, pour moi, c'est François, c'est un tout. Et c'est un nom qui restera comme l'honneur de la France. Je le dis comme je le pense. L'honneur de la France au XXe siècle. Juste une petite question pour une petite réponse, parce que malheureusement le temps passe vite. Charles Péguy, c'est un lien organique entre vous et... Oui, on a découvert le péguisme comme ça. Mais le lien organique, vous savez, c'est les années militantes. Pour moi, François Maspero était une figure. Mon université populaire, c'était la librairie Maspero. C'est là qu'on allait découvrir le monde. Et il y avait cet homme qui passait avec sa casquette de marin breton et son caban, qui était un peu, j'ai parlé d'Alvaro Mutis, comme Macrol le gabier, qui est dans les romans d'Alvaro Mutis. Je le voyais au loin, il m'impressionnait, la différence d'âge. Et en fait, après, dans les années 80, 90 et jusqu'à sa mort, c'est devenu comme un... On a plusieurs pères dans une vie. Et j'ai fait Mediapart avec d'autres, mais en lui faisant signe, puisque notre logo à Mediapart, un crieur de journaux numérique, en fait, j'ai apporté la petite gravure du 19e siècle qui était l'emblème des cahiers libres et de la petite collection des éditions Maspero, qui était un crieur de journaux. Et le crieur de journal, c'est Gavroche, c'est la rue, c'est les nouvelles qui vont réveiller, c'est sonner le tocsin et tout. Et j'ai dit, dès le premier jour, j'ai dit, d'où vient au lecteur, on n'y avait pas beaucoup et personne croyait à cette aventure. J'ai dit, vous savez, on défend, on essaye, on va essayer de défendre le meilleur de la tradition dans la modernité numérique. Et pour moi, le meilleur de notre tradition de publier, d'écriture, de démocratie, de citoyenneté, d'honnêteté, de vertu, il y en a d'autres sans doute. Mais pour moi, pour ma génération, c'est François Maspero. Edoui Plenel, on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer à parler avec toute cette passion communicative de François Maspero. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui boit, dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu, et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui, et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain il se fait... Derviche tourneur, il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir, de la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin je t'aime à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent, ils veulent être or puisqu'ils sont cuivre. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance, il dit « Ramons tous à la même cadence ». Dans le bar, il y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar, échange ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue. Vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme. Sur le détroit de Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume. Maroc. Edwige Panel, on va continuer à dérouler quelques citations. Fais de moi un homme qui interroge. Alors c'est Frantz Fanon, hein, et vous l'avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure. Il est l'un des premiers auteurs édités par Maspero. Cette injonction, elle nous parle à nous journalistes. Hein. Elle doit nous parler. Bien sûr. Fais de moi un homme qui interroge. Et dans ce même passage, qui est le premier livre hein, de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, il dit je cherche le monde du toit, Théoï, hein, donc de la fraternité. Mais juste avant, il dit une phrase qui est au cœur du chemin de François Maspero. Il parlait tout à l'heure dans la reconstitution que vous avez faite de ces voyages du monde. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être déplacé et de bouger. Le propre de l'homme, c'est de bouger. Et vous voyez ce que dirait aujourd'hui Maspero par rapport aux réfugiés, par rapport aux migrants. Maspero, le Maspero que j'ai connu, il prendrait son calepin, il irait avec Claudie Gibran, le photographe, et il irait s'occuper, il serait dans la vallée de la Roya à tendre la main à ces pauvres airs qui cherchent la dignité. Il y a ce goût aussi, qui peut être aussi une nécessité du collectif. Il est aidé par une équipe solide, des directeurs de collection de haute volée, Pierre Vidal-Naquet, Louis Althusser, pour ne citer qu'eux. Il a édité plusieurs centaines d'auteurs au fil de 1000 titres et de nombreuses revues, les cahiers libres partisans, les cahiers de la production théâtrale tricontinentale. Je me laisse emporter par ma passion. L'alternative, ce sens du collectif, c'est quelque chose d'important. Il était les deux. Il pensait qu'on faisait du nous avec du jeu. Il pouvait être ombrageux, hein. Il savait ce qu'il voulait. Il aimait surtout le métier d'artisan de l'éditeur. Il l'avait appris auprès de Guy Lévy-Manot, qui publiait en exil Ruedo Iberico. Il avait appris le goût de la casse, des caractères, etc. Il faisait lui-même les petites maquettes et tout. Autour de lui, il y a eu toutes sortes, dans l'équipe même, de la librairie comme de la maison d'édition, Fonchita González Battle qui est citée tout à l'heure et d'autres. Et puis à la fin, contrairement à une légende, il redressait cette maison. À un moment, il en a eu assez, mais il a eu toutes sortes d'inventions. Vous citiez l'alternative. Fin des années 70, il se dit « Attention, les pays de l'Est ». Et il fait la première revue qui est dédiée aux dissidents face au totalitarisme soviétique. Il fait la collection « La mémoire du peuple ». C'est banal aujourd'hui, mais l'idée d'aller prendre des gens d'en bas, les carnets de Louis Barthas, maître tonnelier à la guerre de 14. Il fait la collection La Découverte, ce sera le nom de la maison d'édition qui suivra, où il réexhume 5 siècles après Colomb. Donc il publie les textes de Colomb, les textes de Las Casas sur la destruction des Indiens d'Amérique. C'est-à-dire qu'il comprend qu'il faut revisiter ce qui s'est passé il y a 5 siècles. Donc il a eu toutes sortes d'intuitions comme ça. Il était toujours en éveil. Enker, ça n'a jamais été un vieux con, quoi. Est-ce que remonter la vie et l'œuvre de Maspero, c'est de découvrir d'autres résonances? Alors, on en a abordé quelques-unes. Je me disais, il se retournerait dans sa tombe s'il voyait, par exemple, comment la presse, notamment en France, pour survivre, a été obligée de se jeter dans les bras du CAC 40, par exemple. Vous savez, la dernière émission filmée de François Maspero se passe dans les locaux de Mediapart, quelques mois avant sa mort. Et on l'interroge sur son métier d'éditeur. Il dit, je vais vous répondre comme dit Edoui, parlez de moi. Mmh. Ou Edoui, je parle de notre métier. Beau métier, mais parfois sale profession. Et il dit, je disais la même chose des éditeurs. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pas juger les confrères, mais se dire bien sûr qu'il y a tous ceux qui nous corrompent. Lui, il s'est battu pour que sa maison soit indépendante, etc. Mais la réponse de la vie de François Maspero, c'est qu'il ne sert à rien de se lamenter. Il faut se battre. Et nous, journalistes, si on ne se bat pas, je vois pas pourquoi le public nous ferait confiance. Il faut se battre. D'une certaine manière, certains se sont réveillés récemment. Ça nous renvoie à cette phrase que je citais dans l'introduction. Ce n'est pas le tout d'être un survivant. Encore faudrait-il pouvoir se prouver qu'on en est digne. Oui. Ça renvoie à ça bien aussi. Bien sûr, mais vous savez que dans ses derniers livres, Georges Semprin était déporté et dans le baraquement où était son propre père. Et Semprin a parlé de la mort de son père, et Maspero n'avait pas supporté, connaissant son père, la façon dont Semprin en avait parlé. En se disant, dans l'écriture ou la vie, etc., Semprin, ancien déporté, Bourenval, racontant la mort du père de François. Et François disait, mon père n'est pas mort comme ça. Et il a fait ce travail qu'il raconte dans L'abeille et la guêpe, il a fait ce travail de revenir sur comment son père, qui était pétri de philosophie chinoise, de dignité, etc., n'avait pas pu se laisser aller. Il a enquêté sur comment son père est mort. Peu de jours avant la libération du camp. Et le hasard fait que François est mort d'un accident dans son appartement à l'anniversaire de la libération du camp. Et donc, il y a cette idée, et moi je pense, y compris ce que fait votre émission dans ce va-et-vient entre le passé et le présent. Il ne s'agit pas de dire que le passé antiquaire nous oblige à être comme ci, comme ça. On est libre et on invente. Mais en revanche, on invente, pour moi, dans une relation à un passé vivant, à un passé qui nous élève, qui nous relève, et que l'on doit vivre, y compris pour moi, charnellement, comme une émotion. Je vous parle de François, là j'ai l'impression, d'où l'émotion un peu parfois, d'être dans... Voilà, comme s'il était là. Et je pense qu'on a tous besoin de petits fantômes amicaux qui nous accompagnent et qui nous aident à résister. Nous vivons déjà des temps difficiles, des temps où nous sommes mis à l'épreuve. Est-ce que nous allons courber? Est-ce que nous allons nous plaindre? Est-ce que nous allons nous lamenter? Non. Ces gens-là nous rappellent qu'ils ont vécu des catastrophes, y compris intimes, des moments difficiles, de persécution, d'exil pour certains. Ben, on se lève, on relève la tête. Ouais. Et bien voilà, c'est ça la leçon. Et Louis Plenel, nous arrivons au moment le plus regrettable de notre rencontre, celui où on va se quitter. Mais sur un petit mot, on est toujours là. Sur un petit mot de la personnalité de Monsieur Maspero en tant qu'homme, l'homme privé que vous avez connu. Je ne connais pas bien, ce serait ses enfants qui en parleraient mieux, ses compagnes, etc. Donc François n'était pas un homme commode. Il faut pas idéaliser, c'était un homme qui, voilà, d'abord il a eu ce genre de vie qui parfois peuvent bousculer l'intimité, parce que ce sont des vies d'engagement, ce sont des vies de risque, ce sont pas des vies de confort, ce sont pas des vies tranquilles. Hein. C'est comme le récit tout à l'heure, il y a une petite erreur psychologique sur François Maspero, quand il rencontrait quelqu'un qui disait qu'il avait volé des livres à sa librairie, François faisait pas une petite blague. François, quand il était plus jeune, était prêt à lui casser la figure. Et dans d'autres fois, et je le sais, même dans des cocktails où on lui présentait un historien qui était arrivé, un intellectuel, et qui disait « Ah, j'ai volé des livres à votre librairie !» Il lui jetait son verre de vin ou d'eau, je ne sais quoi, à la figure, et il lui disait « Connard !» Et il tournait le dos. Bien, ne rougissez pas de vouloir la lune, il nous la faut. Ça, c'est Paul Nizan, que Maspero aimait beaucoup. On n'a pas le temps de le commenter. Merci de nous avoir apporté un petit bout de cette lune. Merci à vous. Edoui Plenel, au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Maspero, une volonté de liberté. Fiction écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Michel Sidorov et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Juliette Delperrault.